étoiles s'aligner. À chaque fois que je pense à toi, là, les fleurs feraient un chemin. Surtout dans tes bras, surtout dans tes bras, l'amour que je n'ai pas eu.